donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne du Érigé pour l'émission Johnny de A à Z, Érigé 90.7 de la bande FM et sur le net erigfm.fr. Je suis très très heureux de vous accueillir pour cette 445e émission de Johnny de A à Z et aujourd'hui je vous propose une émission assez spéciale et en live puisque premier mercredi du mois, je vous propose de revisiter les années Bercy. Johnny Hallyday est le recordman de 1987 à 2016, il chante à Bercy 93 fois, auxquelles s'ajoutent les 8 concerts donnés du 5 au 10 novembre 2014 et du 24 au 25 juin 2017 avec les Vieilles Canailles, autrement dit Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Et le nombre estimé, 1, se pose à peu près à une estimation de 1 million de personnes qui ont visité Johnny Hallyday à Bercy. Installez-vous bien, je m'occupe de tout pendant un peu plus de 2 heures. Vous êtes ici à l'écoute de RIG, l'émission Johnny de A à Z. Et on va commencer tout de suite, Johnny Hallyday à Bercy en 1990 et le titre d'ouverture, Je suis né dans la rue. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous sommes en 1990 dans la chaleur de Bercy. Initialement annoncé au Palais des Sports de Paris, Johnny Hallyday est à Bercy à partir du 15 septembre 1990. Prévu jusqu'au 29, le show est prolongé jusqu'au 4 octobre. Je m'appelle Jean-Philippe Smith, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. En fin de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont toujours gris. Derrière la terre à vague où se trouvent les tournées. J'aperçois le fer, je devais grandir. Je vois être les passes, je ne sais pas je rire. Oh, je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Et quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Je suis né dans la rue, je suis né, né dans la rue. On parle avec respect et je dîne chez les rois. On choisit mes amis les meilleurs qui soient. Je veux me faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, moi je retournerai dans la rue. Parce que je suis né, je suis né, je suis né dans la rue. Oui, dans la rue. Ouais. Nous sommes à présent à Bercy en 1995. Johnny a chanté du 12 septembre au 1er octobre. Let it all see. Journey se donne à Bercy. Du 15 septembre au 4 octobre 1987, Journey chante pour la première fois à Bercy. Le spectacle est mis en scène par Michel Berger et Jeannick Top est chargé de la direction musicale. Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. Oh, t'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt, oui, des amis. Ah, ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? La radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. À présent, nous sommes à Bercy en 1993. Fort du succès du Tour 2012, Johnny remonte sur scène en juin 2013 pour une mini-tournée de 14 dates nommée Born Rocker Tour. Il se produit 3 soirs à Bercy et le 15 juin, le second concert de Bercy est diffusé en direct sur TF1. Et combien de soldats n'étais qu'un enfant. Pourtant, je me souviens, mais j'ai pleuré bien souvent en regardant mes mains. Entre mes mains, je n'y peux rien. Tout se brise entre mes mains. J'ai connu sommes en 2006, c'est le Flashback Tour. Junaïd des chante à Bercy le 29, 30 et 1er octobre et la représentation du 29 septembre est retransmise en direct sur TF1. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday. Cours pas comme ça, il n'y a pas le feu chez toi. Hey Joe, allez bien dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. Ah, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, c'est rien qu'un effroi sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, mais de quoi? Hey Joe, le chômage, les grèves, tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis la vie, c'est le métro à 6h et chacun pour soi. Y'a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Hey, hey, Joe, sommes à présent en 1992 et pour la troisième fois, John Hayday, du 15 septembre au 4 octobre, se produit sur la scène de Bercy. J'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Dans la rue, avec au bout des poings, et tes sons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien déformé. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Je n'ai pas cru la vie, ni l'amour, ni les filles. N'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. Mais je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec de vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Oh non, ça ne meurt pas. Un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Pour n'avoir jamais cru, je n'ai jamais vécu. N'avoir jamais su, mon père, je te salue. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Oh, ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Un homme va RIG, la radio de John Hayday le mercredi soir sur RIG. À présent, nous revenons en 1987 avec ce fameux Bercy. Après la grande éloquence des shows précédents, le concept de ce nouveau spectacle est l'épure plutôt que la démesure. Et voici un titre qui est en gros ressuscité par Yannick Top et Michel Berger. C'est le titre Que je t'aime. Quand tes cheveux s'étalent

au sud de la Loire, t'es rien si t'es pas roi des rois. Oui, je m'en vais fonder une ville bleue. Oui, je m'en vais fonder des toits. D'où jailliront des usines et un roc de combat. On retrace ce soir dans l'émission Johnny de A à Z, Johnny et les années Bercy. Difficile de faire un petit best-of de tout ça, de tout ce florilège, de toute cette richesse musicale que Johnny nous a proposé tout au long de ces années. Elle commence sa journée, toujours à l'heure. Moi, la lumière me fait peur. Elle a cette assurance inaccessible de ce qu'ont la chance de naissance. Elle est belle comme les filles du jour, comme celles qui n'ont rien à cacher. Et moi j'attends toujours avant de rentrer. et juste pour la regarder. À la voir, on devine des enfants coiffés, un homme l'odeur du café, la vie qu'on imagine avant de plonger, celle que je n'aurai jamais. Tous les matins, 5h40, elle va prendre son train. Et moi je rentre. Nous voici à nouveau à Bercy en 2013. Avec un titre que j'adore, Deux étrangers, Brave Strangers de Bob Seger. figer leur cœur. Jusqu'à effiger leur cœur. Et jusqu'à embriser leur cœur. Je voudrais te faire crier. Je voudrais te faire crier. Quelle pêche ce titre! On retourne maintenant en Bercy en 1992 et retrouver June Hallyday en compagnie de Luther Allison qui est derrière en train de jouer du blues sur cette reprise de Joe Dassin, La guitare fait mal. La version de Joe Dassin c'était Le marché aux puces ou autrement The Guitar Don't Lie. Johnny à Bercy en 1992. Un amour blessé, et à la guerre quelqu'un.

Une autre route, je l'ai suivi. Il a fallu que je te trouve là. Oh, soudainement, je suis tombé. Oh, et comme ça, je suis resté. À chaque instant, oh, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant de ma pauvre vie, de ma pauvre vie, de ma pauvre vie, de ma pauvre vie. Viens de te gravir dans ma vie. Nous sommes à présent en 1990, Bercy 90, où Johnny reprend un titre de Michel Berger de façon beaucoup plus, on va dire, rythmée, forcée, on va dire. Voici tout de suite Diego, Libre dans ta tête, sur RIG, la radio de Johnny Hallyday. Où frappe la nuit. déjà mort. Peut-être. Nous sommes à présent en 1995 et à l'issue de ce concert, de ce quatrième Bercy, qui renouvelle quelque peu le show à l'idée, deux principes vont être adoptés, séquence acoustique et en fin de tour de chant, la reprise d'un grand classique de la chanson française. Voici tout de suite, joue pas de rock'n'roll pour moi. Ne te sers pas de souvenirs, joue pas de rock'n'roll pour moi. Ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de le souvenir avec une voix qui grince comme un 45 tout usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Pas de rock'n'roll. Que je vais rester sourd pendant très longtemps, avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang, les yeux tournés vers l'horizon d'où sortent les rêves. Tu hurleras tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas le rock'n'roll pour moi. Pas le rock'n'roll. Pas le rock'n'roll. Pas le rock'n'roll pour moi. Joue pas le rock'n'roll. You put a rock and roll, you put a rock and roll for me. Merci 2013. L'homme me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller travailler. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Oh, laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille. C'est 1960. Est-ce que vous aimez le blues? Vous aimez vraiment le blues? Vous savez que je vais vous faire un album de blues? Donc vous aimez le blues? Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Et le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal. Oh, j'ai mal à en crever. Ça, c'est le blues. Ouais. De retour lors de ce Flashback Tour en 2006, Johnny l'interprète à la fin de cette série Unplug, la musique que j'aime. Toujours sur RIG, spécial Bercy. De la musique que j'aime, elle vient de là et vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Moi j'y mets mes joies, oh, et j'y mets mes peines. Et tout ça, ça revient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines, j'ai les espoirs. Tu sais, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ouais, la musique vivra. J'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. We should. got the light in the blue. À l'automne, Johnny, 2003, Johnny commence le 27 octobre au Zénith de Caen, la tournée plus près de vous pour laquelle il sillonne les routes et ce qui s'achève 35 concerts plus tard au Palais Omnisport de Paris-Bercy, où il se produit le 15, le 16, le 20 et le 21 décembre 2003. Voici tout de suite Gabriel. Oui, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Je viens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque jour. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et le fume essouffler sur tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. J'ai refusé. Flotte dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'est ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'est ma peine pour ça de l'amour. Et j'ai refusé. Moi j'ai refusé pour un amour enchaîné. Tu sais moi j'ai refusé pour un amour enchaîné. Spécial Bercy sur l'antenne de Érigé dans l'émission Johnny de A à Z et on revient. On revient à Flashback Tour 2006, c'était à Bercy, et voici un titre que nous adorons tous ici, c'est Voyage au pays des vivants. We'll be right back. Jeff Cutmore. Auparavant, Johnny était à Bercy en 1995 et y défendait quelques titres encore de son album Blues Rough Town, dont le sublime Full for the Blues écrit par Robin Le Mesurier. Blue. feu. On revient 3 ans en arrière, et en 1992. Et ce titre, J'ai tout donné, Johnny l'avait interprété lors des 2 ou 3 premières représentations de son show à Percy en 1992. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir, de 22h jusqu'à minuit.

de larmes à peine essuyées. Des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense. Et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier pour garder en mémoire nos héros d'encre et de papier. Nous étions restés debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Là, nous allions marcher en silence au milieu de la foule immense. Et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Depuis dans nos villes et nos villages fatigués, oh dis-le-moi, que nous reste-t-il de ces dimanches de janvier? Que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Mais que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Le soir de la première à Paris, le 27 novembre, jour de l'hommage national aux victimes, tandis qu'ils chantent, le fond de la scène se teinte aux couleurs nationales, sous les applaudissements nourris du public, qui spontanément entame une Marseillaise pendant que Johnny Hallyday accroche au pied d'un micro un drapeau français. Nous revenons à Bercy en 1987 et ce sera le dernier titre de cette émission spéciale Bercy. Les années Bercy, Johnny Hallyday, avec ce titre Aimer vivre, un titre qui va durer plus de 15 minutes. Qui est écrit dans tes yeux. Vous écoutez Érigé. Quand tu parles de ta vie. Et l'émission Johnny de A à Z. c'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux, rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Amen. je t'entends de crier. J'ai tant besoin de t'entendre taper dans tes mains. J'ai tant besoin d'amour, ouais. J'ai tant besoin d'amour. Ah. Y a-t-il quelqu'un qui veuille m'aimer? Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui veuille m'aimer? Oh! M'aimer deux fois. J'ai tant besoin de ton amour. J'ai tant besoin de ton amour. J'ai tant besoin de ton amour. Oh oui. Ton amour. Parfois. Oh, aimer. J'ai tant besoin d'aimer. J'ai tant besoin d'aimer. Aimer vivre. Merci. Je n'aurais jamais pensé, en 1959, quand Eddie, Chris, moi et tant d'autres, nous allions au Golf Trou. Je ne pensais pas un jour me retrouver sur cette scène qui est la plus grande salle de France, Bercy. Pour tout ça, j'aimerais vous dire merci du fond du cœur. Je sais que je peux compter sur vous, mais vous savez que vous pouvez aussi compter sur moi. Merci. Restez sur cette émission Johnny 2 à Z spéciale Les années Bercy. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, suivi, participé à cette émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny et ainsi qu'un album de la semaine. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.